En Corée du Sud, un meeting à marathon pour la réunification a lieu le 12 à Jeonju de la province du Jeolla du Nord, à l'occasion du 16e anniversaire de la publication de la déclaration commune du 15 juin, sous les auspices de la direction provinciale du Jeolla du Nord, du comité sud pour l'application de la déclaration commune du 15 juin, d'après le journal d'internet sud-coréen Tongnews. Y étaient présents plus de 3000 personnes des organisations autonomes locales, établissements et des dizaines de formations civiles et sociales, citadins, jeunes et enfants de la province du Jeolla du Nord.